Chapitre 6e. On sera peut-être étonné d'apprendre que 6 mois après son secret divulgué, David Stuart était encore en Écosse, qu'il était le voisin de campagne de Sir Stephen Penrhyn, qu'il venait fréquemment à Penrhyn Castle, et que certains jours, quand Sir Stephen s'ennuyait particulièrement, lorsque la soirée était pluvieuse, quand les routes devenaient peu praticables, quand le salon était à peu près désert, le maître de la maison faisait très bon accueil à l'ancien tuteur d'Eleanor. En revanche, il était d'autres occasions où il ne le voyait pas sans quelque ombrage assidu chez lui. Alors il était un peu moins poli, mais il lui regardait comme assez malséant, de laisser percer une méfiance quelconque, et d'ailleurs, à vrai dire, dégoûté des scènes de jalousie par celles que nous avons racontées plus haut, il aimait à se reposer sur cette consolante idée que sa femme, de glace pour lui, n'était accessible à aucun sentiment exalté, bien que susceptible de caprices romanesques, des pensées sur son album ou dans le secret de ses rêveries. Maintenant, pourquoi David Stuart n'était-il point retourné en Amérique? Ses réflexions d'abord l'en avaient détourné. Il n'est pas aussi facile qu'on pourrait bien le penser, quand on a d'autres grands intérêts dans ce monde que l'attachement d'un être d'élite, de s'en séparer et d'aller vivre à 1000 ou 1500 lieues de ce cœur vivant pour vous et de vous. Il n'est pas aisé non plus de laisser sous une protection douteuse et malhabile, pour ne rien dire de plus, une femme jeune et belle dont on a développé l'esprit, formé les idées et qui vous regarde comme son meilleur appui, étayant sa faiblesse à votre force, ne voyant guère, dans telle ou telle circonstance critique, d'autre secours efficace que celui de votre dévouement. Enfin, le hasard était venu en aide aux résolutions indécises de David Stuart, en faisant mourir assez inopinément un sien cousin à peine âgé de 22 ans, qui se rompit le cou en revenant d'une course de chevaux, son léger véhicule, son dog-cart, ayant versé sur un tas de pierres. Il se tua sur place et laissa sans le savoir à son cousin David, qu'il n'avait jamais vu, un joli domaine situé non loin de Dunleth. On l'appelle Hardlockey. David Stuart avait assez vécu pour savoir que cet incident, heureux ou malheureux, selon qu'on voudra l'envisager, changeait complètement sa position vis-à-vis du monde. Autre chose était le banqueroutier réhabilité, revenu d'Amérique, prêt à repartir, sans assiette sociale, sans relations, sans propriété bien assise et bien évaluée. Autre chose, le gentleman de comté, d'une famille bien connue, ayant glorieusement réparé quelques torts de jeunesse, pourvu d'un revenu confortable, avec du beau bien au soleil, admis sur le pied d'égalité à la Nark Lodge ou à Penrhyn Castle. Sévère pour l'un jusqu'à l'injustice, l'opinion serait pour l'autre indulgente jusqu'à l'oubli le plus complet. Rassuré là-dessus, David Stuart avait perdu la meilleure raison qu'il eut pour s'expatrier de nouveau. Il s'était donc établi dans son petit manoir d'Hardlockey, et il est inutile de dire qu'il y séjournait rarement. Presque toujours à cheval, se partageant entre ses voisins, il avait adopté le genre de vie que lui permettait le mieux de venir fréquemment réclamer l'hospitalité de Penrhyn Castle. Mieux eût valu sans doute, pour Eleanor et lui, s'interdire de si fréquentes entrevues. Mais que cet effort de raison eût coûté à leur mutuelle tendresse. Eleanor, ramenée sous le joug d'un amour que le temps n'avait pu détruire, ne vivait plus qu'aux heures où David venait partager sa solitude. David Stuart, mal à l'aise dans sa froide habitation d'Hardlockey, ne se sentait heureux qu'auprès de ce cœur dévoué, chaque jour plus entièrement à lui. Par-delà ce bonheur presque innocent, à demi légitime, l'un ou l'autre avait-il une existence plus complètement assimilée, une possession plus entière? Pourquoi le supposer puisque nous l'ignorons? Eleanor, résignée à ne plus connaître ce qu'on appelle ici-bas le bonheur, n'aspirait qu'à sentir s'alléger le poids de ses cruels souvenirs. Et David Stuart, si ses pensées l'égaraient parfois à vouloir être heureux, fût-ce au prix du crime, ne savait-il pas, de science certaine, qu'une âme bien douée n'a jamais goûté longtemps une félicité coupable? Il vivait donc au jour le jour, satisfait de cette trêve que leur laissaient les destins jusque-là si contraires, et ne soupçonnant pas une crise prochaine, un orage près de troubler le ciel serein de leurs patientes amours. Il éclata brusquement, et comme il arrive souvent, par suite d'un concours de circonstances futiles. C'était à la fin de l'hiver. David Stuart, ceci lui arrivait rarement, avait passé la nuit à Penrhyn Castle. Quand il partit le matin, Eleanor voulut l'accompagner à cheval jusqu'à mi-chemin d'Hardlockey. Le soleil s'est élevé brillant sur les montagnes chargées de neige, sur le miroir terni des étangs glacés, sur les bocages dénudés dont chaque rameau, décoré de givre, étincelait comme une aigrette de diamant. Quelques grands hêtres du parc, dont la pluie et les ouragans n'avaient pu abattre le feuillage rougi par l'automne, portait encore à demi fondu des bouquets blancs qui s'en allaient en poussière sous le pied furtif et léger des oiseaux voletant çà et là. Un profond silence régnait de toutes parts, et le piétinement des chevaux sur la terre dure, amorti par un épais tapis de neige, avait quelque chose de voilé, d'étrange, qui faisait songer, malgré qu'on en eût, aux balades allemandes, aux spectres cavaliers, aux galops fantastiques dans la froide nuit. Cependant, Eleanor et David longeaient au pas la grande avenue, et leur causerie matinale, animée par le froid, semblait se teindre des roses lueurs qui se jouaient dans l'atmosphère. Par moments, peut-être, quelque triste retour, quelque sombre pressentiment traversait à tire d'aile, comme un noir corbeau, le ciel lumineux de leurs pensées. Mais en somme, ils se sentaient heureux et ravis. L'heure était bonne, ils la savouraient lentement. Ils arrivèrent ainsi devant la lodge et durent s'arrêter en face de la grille quand c'était moins empressé d'ouvrir à leur approche. C'était une de ces petites irrévérences auxquelles Bridget Owen semblait se complaire. Eleanor, caressant le cou de son cheval, détourna les yeux vers le jardin, où même alors, tous les travaux étant ailleurs suspendus, le maître du château envoyait chaque jour quelque ouvrier. Sandy, le vieux domestique, était là, occupé à réparer une fontaine de pierre que la gelée avait failli éclater. Le petit Owen le regardait travailler avec une sollicitude nonchalante. « Allons donc, petit paresseux, ne voyez-vous pas qu'on attend et ne pourriez-vous ouvrir la porte ?» lui cria David, impatienté. L'enfant se retourna vivement. « Je ne suis pas portier, » répliqua-t-il d'un ton assez brusque. « Vous ou un autre, il y a sans doute quelqu'un pour faire ce service. » Une fenêtre de la lodge s'ouvrit alors, et Bridget Owen, s'y montrant, jeta la clé de l'avenue au pied du vieux Sandy, qui justement venait de soulever un pan de maçonnerie, et les mains occupées, ne put la ramasser aussitôt. L'enfant d'ailleurs ne lui en laissa pas le temps, il sauta sur la clé et la lançant sur le chemin. « Tenez, beau Lord Hardlocky, ouvrez la porte vous-même » cria-t-il à David avec une grimace significative. Le projectile improvisé vint frapper un des pieds du cheval d'Eleanor, qui, déjà impatient, battait et pétrissait la neige. Cet animal, effarouché, fit un écart, puis lança coup sur coup de violentes ruades et allait à coup sûr s'emporter, sans l'adresse que mit David à se saisir de la bride qu'Eleanor avait laissée aller. Le groom qui les suivait accourut alors, et David put aider Eleanor à mettre pied à terre. Un peu remis de son émotion, mais indigné que l'insolence d'un gamin eût fait courir de tels dangers à Lady Penryn, « Vous mériteriez, cria-t-il au jeune drôle, oh, cravacha vertement !» L'enfant se mit à rire. « Vous en chargeriez-vous » demanda-t-il ensuite. « Moi, tout comme un autre !» Et David, franchissant la haie, s'élança sans entendre Eleanor, qui, d'une voix étouffée par la crainte, le suppliait de s'arrêter. Elle comprenait, et il était difficile qu'il comprît à quelles extrémités tout cela pouvait conduire. Le jeune Owen ne recula pas d'une semelle devant David, qui arrivait sur lui la cravache levée. Ses beaux yeux noirs n'exprimaient que la colère. « Demandez pardon à votre maîtresse !» lui dit Stuart quand il le rejoint et saisit par le collet de sa veste. « Il faut vous apprendre, petit malheureux, ce que valent de pareils tours. Demandez pardon ou vous serez fouetté d'importance. »« Fouetté ?» reprit l'enfant avec l'accent du défi et tremblant de fureur, non de crainte. « Fouetté ?» « Maman, maman, courez dire à Sir Stephen que le Laird Hardlocky veut me frapper !» Bridget Owen sortit alors de la lodge, souple, agile et gracieuse comme la panthère qui va se jeter sur les chasseurs, et presque aussi terrible à voir, avec ses grands yeux lançant des éclairs, ses narines dilatées, ses lèvres pâles frémissant sur ses dents de nacre. Tandis qu'elle entourait de ses bras son enfant menacé, tandis que David, étonné, contemplait en elle un type curieux où la beauté humaine s'alliait avec les sauvages aspects de l'animal en fureur, Sandy s'était approché de son ancien maître. « Prenez garde !» lui disait-il à mi-voix. « Prenez garde, vous ne savez donc pas ?» Mais Bridget lui coupa la parole en s'adressant audacieusement à Eleanor. « Comment laissez-vous battre mon fils ?» lui disait-elle avec un singulier dédain. « Moi j'ai bien pleuré les vôtres !» Eleanor avait caché sa figure dans ses mains. Elle venait d'apercevoir le tilbury de son mari. Sir Stephen arrêta court son cheval écumant et sauta sur la route au milieu de ce groupe tumultueux. À la première plainte de Bridget, et dès qu'il eut compris de quoi il s'agissait, « Voici vraiment du nouveau, » dit-il à David. « Comment vous permettez-vous de toucher cet enfant ?» David voulut parler, mais déjà livide de colère, Sir Stephen ne lui en laissa pas le temps. « Au diable toutes vos raisons » reprit-il. « Je vous défends de mettre la main sur qui que ce soit chez moi, vous m'entendez ?» David sentit venir à ses lèvres des paroles qu'il réprima, non sans peine, en voyant Eleanor s'affaisser contre un des piliers de la porte. « Le fils de votre concierge ?» reprit-il. Le fils de sa concierge est mieux né que vous. C'est qu'un Bridget, qui serrant de ses deux mains les veines gonflées de son front, semblait avoir perdu tout contrôle sur elle-même. Allons, Stephen, montrez-vous enfin. Ne reniez pas ce qui est à vous. Si je vous croyais capable de laisser battre votre enfant par un étranger, dès demain je serais loin d'ici, et pour jamais. Voilà ce que c'est, ajouta-t-elle avec des sanglots convulsifs, que d'avoir consenti à venir ici, la risée de vos domestiques et le mépris des passants. Ses larmes tombaient comme de l'huile sur le feu qui couvait dans le cœur de son amant, posant sa main sur la tête de l'enfant qu'il protégeait. « Monsieur, s'écria-t-il, cet enfant est à moi, oui, à moi » répéta-t-il en jetant un coup d'œil du côté d'Eleanor pour lui montrer que la présence de sa femme ne l'intimidait et ne le gênait en rien. « Que personne ne s'avise de le maltraiter, pas plus Milady que vous ou tout autre. Elle le souffre à peine à la loge, soit. Il viendra au château. Elle n'aime pas le voir au talon de son cheval, soit encore. Je le mettrai à table, à côté d'elle. » Par le sang de Dieu, qui est maître ici, vous ou moi? Il se passe dans ma maison d'étranges choses depuis que vous y êtes tombé de je ne sais où. Mais cette maison est à moi. Ma femme est à moi, cet enfant est à moi. Nous n'avons nul besoin de vous pour nous gouverner, et je n'ai nul souci de voir franchir encore le seuil de cette porte. Croyez-le bien. Puis, écartant l'enfant et regardant autour de lui, retournez près de votre mère et venez ce soir dîner au château. Vous apporterez vos affaires. Vous y coucherez désormais. Vous m'entendez? Rentrez, Bridget. Eleanor, souhaitez le bonjour à M. Stuart. » Lui-même porta la main à son chapeau après avoir fait monter sa femme dans le tilbury, puis il partit avec elle. Le vieux Sandy, accompagnant David à travers les bois et marchant à côté de son cheval, lui expliqua longuement ce qu'il y avait d'inintelligible pour lui dans cette scène violente, dans ses révélations soudaines. Sandy revint le soir, porteur d'une lettre qu'il remit à Eleanor lorsqu'il la vit seule dans son appartement. Elle y était rentrée en larmes, car Sir Stephen avait tenu sa promesse. Le fils de Bridget avait pris à table la place de Frédéric et de Cléphane. Voici ce que lurent ses yeux encore humides. « Après ce que j'ai vu et entendu, Eleanor, je me sens inévitablement appelé à vous offrir des conseils où vous auriez tort de chercher une égoïste inspiration, bien que ma destinée future dépende entièrement du parti que vous allez prendre. Les torts qu'on a eus envers vous sont de telle nature que lors même qu'ils seraient irréparables, vous seriez en droit de vous soustraire au chagrin dont on vous abreuve. Mais, vous l'auriez su plus tôt, si vous n'aviez pas craint de m'initier dans toutes vos douleurs. Il vous reste un recours certain contre une autorité dont on abuse. Les lois anglaises, il est vrai, vous condamneraient à la subir sans rémission. Elles ne vous permettraient pas le divorce. Elles rendent obligatoire pour la femme le lien dont se joue impunément le mari. En Écosse, les choses vont autrement. Les fautes de l'époux comme celles de l'épouse sont punies par la rupture du nœud qui les unit. La loi écossaise peut vous affranchir. Elle peut vous rendre la pleine et entière liberté de votre choix, vous replacer dans les mêmes conditions où vous étiez jadis, lorsque, par ma faute, par ma trahison, vous fûtes condamné à ce destin dont je voudrais, au prix de mon sang, vous affranchir aujourd'hui. Il faudra seulement prouver que votre mariage est régi par cette loi, pure question légale et bien des circonstances militent en votre faveur. Votre mari est écossais. Vous avez été marié en Écosse. Vous y résidez, sauf l'intervalle des sessions parlementaires où les devoirs de Sir Stephen le rappellent à Londres. Malgré tout cela, il faut recourir aux jurisconsultes les plus éclairés avant d'engager pareil débat, et les consulter sur le mode le plus prompt d'en venir à le faire juger. Allez en Angleterre, allez à Londres. L'avocat dont vous trouverez l'adresse au bas de cette lettre, homme éminent dans sa profession, prendra les avis de ses confrères d'Édimbourg et vous donnera les indications les plus certaines. Il ne s'agit ici que de faits notoires dont il est aisé de fournir les preuves. Je ne puis voir qu'une issue à ce procès, en supposant qu'on s'obstine à le soutenir contre vous. C'est une décision légale qui vous rendra la liberté, qui vous rendra un avenir. Cet avenir, je ne veux pas même vous en parler. Je vous promets ici solennellement, pour le cas où mes conseils seraient suivis et ma protection acceptée, de ne pas respirer le même air que vous, pas un jour, pas une heure, avant que vous ayez cessé d'appartenir à un autre. Vous m'écrirez seulement, et l'ami auquel je vous recommande vous donnera toute l'assistance requise par les difficultés de votre position. Si vous acceptez, renvoyez-moi Sandy, et je prendrai tous les arrangements nécessaires pour votre départ. Si vous dites non... Mais, Eleanor, je ne puis attendre qu'une réponse. J'y compte. Je ne vivrai qu'après l'avoir reçue. Signé D. S. Sandy, dit Eleanor d'une voix basse et tremblante, vous allez repartir pour Adlocky. Vous direz à M. Stuart que je consens. Soyez ici demain matin, car vous partirez avec moi. Je serai prête à midi précis. Elle quitta le lendemain pour n'y plus rentrer la maison de son mari, le toit sous lequel elle avait tant souffert. Et quand elle le vit s'effacer dans les froides brumes d'une journée pluvieuse, alors seulement elle comprit, au serrement de son cœur, quel sacrifice elle venait d'accomplir. Fidèle à sa promesse, David Stuart ne la suivit point à Londres, où lui avait conseillé de se rendre. Mais n'était-ce pas trop présumé de l'énergie d'Eleanor que de la laisser ainsi toute seule aux prises avec sa destinée, sans autre secours que l'appui de quelques savants jurisconsultes? Avait-il bien réfléchi au compte terrible que cette jeune femme, jusque-là sans reproche, allait avoir à se demander, une fois délivrée des quotidiennes obsessions de l'amour? Et s'il ne comprit pas tout cela, s'il ne fit pas toutes ces réflexions, si dévoré de mille inquiétudes, il put cependant ne pas enfreindre la loi qu'il s'était tracée à lui-même. Faut-il croire que David Stuart aimait Eleanor comme Eleanor aimait David Stuart? Vainement voulait-elle rassurer sa conscience en invoquant le souvenir de ses griefs. Les plus réels, les plus graves, elle les avait pardonnés. Elle les tolérait avant l'arrivée de David. Comment, depuis lors, les avait-elle jugés insupportables? Était-ce bien les fautes de son mari qui l'avait chassée de chez elle? N'y serait-elle pas demeurée, même aux conditions les plus dures, si un secret espoir ne l'avait engagée dans cette nouvelle voie? Et cet espoir était-il légitime, non pas dans le sens étroit de ce mot, mais légitime devant Dieu, dépositaire des serments sacrés qui lie l'épouse à l'époux jusqu'à ce que la mort les sépare? Le divorce pouvait être prononcé, il devait l'être, à coup sûr, selon la loi écossaise. Mais si son mariage n'était pas régi par cette loi, si, après avoir affronté le scandale d'un débat public, elle restait après tout la femme déshonorée de Sir Stephen Penryn, si, au contraire, son droit était reconnu, eh bien, qu'aurait-elle gagné à faire prévaloir ainsi sur les influences de la religion, sur les restrictions du devoir, cet amour à l'entraînement duquel, dans un moment de transport, elle s'était abandonnée? Que pensa d'elle celui-là même auquel elle aurait tant sacrifié? N'aurait-elle pas perdu dans son estime? Et si son amour venait à s'éteindre, comme elle l'avait vu s'amortir la fervente passion qu'elle inspirait naguère à son époux, quelle place garderait-elle dans son cœur la femme divorcée, l'esclave fugitive, traînant après elle l'inséparable débris de ses chaînes une fois rompues? Que deviendrait-elle le jour où David Stuart, son mari, n'aurait plus pour elle que de généreux égards, une délicate pitié? Effrayante pensée, née dans un isolement dont elle s'effrayait aussi, peu accoutumée à marcher sans guide dans les âpres sentiers de la vie, à résider sous un toit étranger, à rentrer seule dans un appartement désert, à s'y trouver, durant les longues heures de la nuit, face à face avec des textes de loi, vainement soumis à ses impuissantes méditations. Peu à peu, devant ses réflexions, confirmée par les lettres pressantes de sa meilleure amie, de Lady Margaret Fordyce, qui, sans avoir pénétré le secret mobile de sa conduite, sans croire qu'elle aimât David ou qu'elle aspirât à un second mariage, la dissuadait éloquemment de toute mesure extrême, de toute publicité malséante, de toute détermination téméraire. Devant ces réflexions, disons-nous, le beau rêve d'Eleanor, rêve de liberté reconquise, de long amour récompensé, de liens rompus et renoués sous de meilleurs auspices, ce beau rêve pâlissait et s'effaçait par degrés. Il lui fallut, pour y croire encore, pour en conserver les illusions et l'enivrement, il lui fallut l'incessante présence de l'être chéri qui l'avait fait naître. Et David Stuart n'était pas là. Loin de lui, elle ne voyait plus dans la sincérité de son âme comment, après avoir violé le serment qu'il alliait à Sir Stephen, jusqu'à ce qu'il fût séparé par la mort, le même serment, répété au pied du même autel, lui donnerait pour la vie un autre époux. Et jusque dans cette promesse, si fidèlement tenue, que son tuteur lui avait faite, de ne plus vivre auprès d'elle avant qu'elle eût cessé d'appartenir à un autre, elle voyait clairement qu'une idée de honte et de dégradation était attachée, même pour lui, à l'amour que Lady Penryn pouvait ressentir pour tout autre homme que son mari. Quand ses scrupules, tenant pour la plupart à son éducation religieuse, se dressaient entre elle et son amant, l'image de Cléphane mourant, sa sublime et naïve prière s'y mêlait presque toujours. « Notre Père qui est aux cieux, » répétait-elle machinalement, il songeait à ses pauvres enfants, assis là-haut parmi les saints anges, à la droite de ce Père Tout-Puissant. « Priez, Mère, » lui disait leur voix argentine, résonnant au fond de son cœur malade. Elle priait un soir, agenouillée et la tête dans ses mains. On frappa deux fois à la porte de sa maison. À ce bruit, tout son sang reflua vers son cœur. Fallait-il croire? Était-ce? Aurait-il oublié sa parole? Allait-elle le revoir, lui? et soudain, relevée, n'osant avancer d'un seul pas, elle écoutait sous les degrés retentir les pas d'un homme. David Stewart, sans nul doute, lui seul pouvait venir à cette heure. La porte alors s'ouvrit, brusquement poussée. Ce n'était pas David Stewart, c'était Godfrey Marsden, le rude marin.